Jean Bosco, Douima. Audrine Ndaïkeza sur la mise en onde de ce journal. Bonjour à vous tous qui êtes branchés sur Isanganiro en seul grand titre, puisque ce journal est une édition spéciale consacrée à l'éducation, cette fonction indispensable au progrès de tout pays, en droit, mais surtout en devoir pour tous. Dans ce journal, nous évoquerons certains défis qui hantent le secteur de l'enseignement, tant public que privé, avec des reportages sur terrain, tant à Bujumbura que dans certaines provinces du pays. Nous aurons des analyses d'experts en matière d'éducation et des associations engagées dans ce domaine. Et ce sera pour conclure dans le commentaire de la rédaction à la fin de cette édition. Et cela avec l'historien Joseph Kizerbo, que l'homme n'est pas tout fait et que donc il faut éduquer ou périr. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. On plante le décor avec notre correspondant de Gitega qui nous rapporte que l'insuffisance des subsides donnés par l'État, l'insuffisance et la vétusté des matelas et le manque de véhicules scolaires, voilà certains des problèmes auxquels font face les écoles à régime d'internat de Gitega. Le directeur d'école demande à l'État de trouver une solution à ces problèmes. Gérard Nibigira depuis Gitega. Quand on visite les écoles à régime d'internat de Gitega, on constate qu'elles ont des problèmes communs et des problèmes qui ne concernent que certaines écoles. Entre autres problèmes communs, c'est l'insuffisance des subsides donnés par l'État pour la restauration des élèves, indiquent les directeurs contactés. Ces subsides sont de l'ordre de 800 francs par jour et par élève. La conséquence de cela, précisent les directeurs, c'est l'insuffisance qualitative et quantitative de la nourriture consommée par les élèves à plusieurs écoles. Le petit déjeuner a été supprimé depuis plus de 4 ans. Et pour prévenir les maladies carencières probables, certaines directions scolaires ont autorisé la commercialisation de fruits à l'entrée ou dans les enceintes des écoles à régime d'internat, chose naguère interdite. Quant aux problèmes vécus par certaines écoles seulement, il s'agit de l'insuffisance et de la vétusté des matelas à certaines écoles, alors qu'à d'autres, ce problème n'y est pas. Il s'agit aussi de la vétusté des grandes cuvettes mouvelots à certaines écoles, de la vétusté des bâtiments au moment où à d'autres écoles ces problèmes ne sont pas enregistrés. En outre, il y a des écoles à régime d'internat qui n'ont pas de véhicules scolaires et consécutivement ils ont des problèmes graves d'amener à l'hôpital les élèves malades. Et là, d'autres écoles ont des véhicules scolaires vétustes au moment où d'autres ont des véhicules toujours en bon état. Cela étant, le problème d'insuffisance des manuels et supports pédagogiques et de l'insuffisance des enseignants concernait à la fois les écoles à régime d'internat et à régime d'externat. Les directeurs des écoles avec qui nous sommes entretenus demandent à l'État de se pencher sur tous ces problèmes. Depuis Gitega, Jérôme Iguila pour la radio Isanganiro. Cap maintenant sur Bubanza, où plus de 400 enseignants manquent encore dans les écoles de cette province pour bien démarrer l'année scolaire prochaine. Les parents demandent que cette question qui a toujours causé des problèmes soit vidée et le directeur provincial de l'enseignement explique que l'on attend la réponse du ministère. Sinon, on doit gérer le personnel dont on dispose en attendant cette solution. Specialitas Kavanyana. Au moment où les parents contactés demandent que la question concernant le manque d'enseignants ne se reproduise plus au cours de l'année scolaire prochaine 2018-2019, la direction provinciale de l'enseignement indique plutôt qu'il manque encore 453 enseignants au total, 155 de qualification D6, 112 D7 et 186 au poste fondamental. Philbert Haounimana, directeur provincial de l'enseignement, précise qu'en attendant le recrutement de les enseignants, on doit gérer ceux qui sont disponibles. C'est au moment où les parents se lamentent en disant que ce manque d'enseignants fait qu'on doit payer les frais des enseignants bénévoles, un cas de tête pour certains parents, comme ils le disent. Aussi, les responsables scolaires déplorent les chiffres élevés d'élèves par classe, jusqu'à 100 élèves par classe, mais aussi la fatigue des enseignants disponibles avec les risques de rendement moins satisfaisants suite au manque d'enseignants selon les responsables scolaires que nous avons approchés. Cette qualité de Kavanyana, Rwanda, Radio Isanganiro. Merci, Space. Les effectifs d'élèves restent élevés au lycée municipal de Moussaga. Certaines classes comptent plus de 70, comme l'affirme Nzeimana Théogène, directeur de ce lycée. Il souligne que cela a un impact négatif sur le rendement de l'élève. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. La situation statistique nous montre que les effectifs pour la rentrée scolaire prochaine s'annoncent déjà en pléthore dans les différentes classes, puisque nous avons remarqué que l'année passée, il y avait beaucoup d'élèves dans les classes, et pour cette année-ci, et ça va être de même. Beaucoup d'élèves dans les classes, ça avoisinait environ combien dans les classes, surtout, je me dis, les classes de 7e ou de 8e? Justement, dans les classes de 7e et 8e, les effectifs tournaient autour de 70 et plus légèrement. Avec ce nombre élevé d'élèves dans différentes classes, il n'y a pas eu une incidence sur le taux de réussite? Curieusement, dans la méthode d'enseignement, c'est peut-être l'un des facteurs qui justifie le rendement scolaire à la fin de l'année. Un effectif élevé dans la classe, nécessairement, ça influe sur le rendement scolaire. Prévoyez-vous une solution pour ce pléthore dans les classes? La solution la plus durable serait d'augmenter les infrastructures d'accueil. Malheureusement, cette solution, c'est un projet qui se planifie sur pas mal de mois. Je ne dirai pas que pour le moment, on a des solutions miracles pour diminuer les effectifs cette année-ci. Et cette solution durable, ça émane de l'administration locale. Cette administration locale est informée de la situation. Nous pensons que dans l'avenir, on va pouvoir tabler sur ce problème. Théogène Nzeimana, c'est le directeur du lycée municipal de Moussaga. On reste à mairie de Bujumbura, ou à l'école d'excellence du lycée de Ngagara, qui dispose de salles de classe suffisantes, selon les responsables de cette école. Avec le système d'excellence, le taux de réussite des élèves a aussi augmenté, passant de 75 à 89%. Aubin Niyonguru. L'école d'excellence du lycée Ngagara accueille les élèves des provinces de l'ouest du pays, dont ceux de Bubanza, Chibitoke et Bujumbura. Depuis l'année scolaire précédente, y sont admis seuls les élèves de l'école d'excellence. Selon le préfet des études sur cette école, Didas Nzaba Mema, les élèves de l'école d'excellence se distinguent dans la réussite. Pour les élèves que nous avions avant, on avait un taux de réussite qui tournait autour de 75%, alors que maintenant, on a un taux de réussite de 89,5%. Didas Nzaba Mema explique que cette école dispose de salles de classe suffisantes. Chaque classe ne compte que 30 élèves. Le nécessaire est là, seulement il manque quelques améliorations. On a besoin dans le domaine des sciences et technologies et des ordinateurs pour les élèves et des ordinateurs pour les professeurs. Et du côté du personnel enseignant, on aura besoin de recruter 4 enseignants puisqu'il y a d'autres classes qui vont s'ajouter, à savoir la classe de 9e et les classes de 2e année post-fondamentale. Côté social, là, le besoin est celui des dortoirs pour les filles. Eric Nyandri est le préfet de discipline. Avec l'année prochaine, on aura un problème de dortoir pour les filles, raison pour laquelle nous avons fait une demande au ministère de tutelle de faire l'extension de dortoir pour les filles. Mais pour les garçons, il n'y a pas de problème. Ce préfet indique que leurs élèves marquent aussi la différence dans le comportement. Ce sont des élèves disciplinés, ils sont encore jeunes. Quand on leur prodigue des conseils, ils exécutent facilement. Comparativement avec les élèves que nous avions dans les années passées, je peux dire que nos élèves que nous avons, ce sont des élèves disciplinés. Cela est montré par que aucun élève n'a eu échec en conduite. Pour l'année scolaire précédente, 180 élèves avaient été orientés sur cet établissement. Les autorités scolaires s'attendent à ce que cet effectif augmente. Aubin Niyonguru, et l'école privée internationale de Bujumbura comprend des effectifs moyens d'élèves compte tenu des dimensions de cette école et ses salles de classe ainsi que le matériel didactique en sa possession. Gaspard Ndaïzeye, directeur de cet établissement scolaire, explique que parmi les raisons qui poussent cette école à être classée parmi les premiers examens nationaux figure la qualification des enseignants et du matériel suffisant. Il conseille à d'autres écoles qui n'ont pas encore atteint le niveau de son école de recevoir les effectifs d'élèves qu'elles peuvent bien suivre. Et Nibel Nibigira, reportage. Construite sur une superficie de 2 hectares, 3 arts et 80 centiaires, l'école internationale de Bujumbura connaît une limite de 40 élèves dans chaque classe et parfois cet effectif n'est pas atteint dans certaines classes de la maternelle au secondaire. Dans chaque coin de cet établissement se trouvent les latrines et les robinets d'eau. S'observe également une quarantaine de machines dans la salle informatique. Le cours a pris depuis la 3e année primaire. À cette école se trouve également la salle laboratoire ainsi que le vestiaire où les élèves changent leur tenue avant de faire du sport. Le directeur de cette école dit se réjouir de la place occupée par cette école dans les différents tests nationaux et que parmi les différentes raisons de cette réussite figure le recrutement des enseignants qualifiés. Il n'y a pas beaucoup de secrets, c'est aimer le travail et faire travailler les enfants. Et aussi le travail des enseignants puisqu'on a les enseignants qui sont qualifiés et demandent des places ici à l'école internationale de Bujumbura. Et les places sont limitées. Gaspar Ndaïdzeye, même s'il se dit satisfait, affirme que les ordinateurs et le matériel de laboratoire ne sont pas assez suffisants, ce dont il souhaite la multiplication dans l'avenir. Ce responsable scolaire prodigue les conseils aux autres écoles d'embaucher les enseignants qualifiés et la réception des effectifs des élèves dont elles ont la capacité de suivre. Les conseils qu'on peut donner aux autres écoles, c'est le résultat des efforts qu'ils cherchent des enseignants qualifiés et aussi il faut les faire travailler. Au niveau des salles de classe, c'est surtout d'avoir des salles de classe qui sont assez vastes où aussi il faut limiter les effectifs dans les classes. Pour l'année scolaire précédente, l'école internationale de Bujumbura comprenait un peu plus de 1800 élèves sur tout l'établissement. Eli Nibella Nibigira, on reste en mairie de Bujumbura où trois des établissements privés implantés dans le quartier Nyabagere dans la zone urbaine de Gihosha font partie des 24 écoles fermées. Sur la mesure de la ministre de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle, le constat de nos reporters est que des travaux ont été initiés en matière de construction et en équipement. Ils appellent le ministre à effectuer des descentes sur terrain pour constater les efforts fournis en vue de prendre des mesures conséquentes qui donnent des facilités aux élèves. C'est un reportage signé Charles Macotte. Ces écoles fermées sont entre autres Ecotessa qui avait les sections d'informatique, de télécommunication et l'électromécanique. Le lycée technique Flambeau de l'Espoir avait dans ses enceintes des sections, à savoir le conducteur des travaux et l'informatique. Parmi ces écoles fermées figure également l'école fondamentale de Mouyaga. À l'origine de cette fermeture, le taux d'échec dans les examens de fin de cycle et le manque de matériel propre à ces établissements. Quand nous sommes arrivés au lycée technique, le Frambo, les travaux de construction des dalles pour les latrines étaient en cours, ainsi que l'aménagement de la cour intérieure de l'école. Parmi les 10 salles de classe qui comptent l'établissement, des travaux de réhabilitation étaient en cours dans 3 classes, et cela au niveau de finissage. Côté équipement, le représentant légal de cette école dit que le matériel utilisé dans la section conducteur de travaux était loué dans les environs de l'école, mais qu'aujourd'hui, cette école s'est dotée de théodolites, des piquets et autres instruments nécessaires pour le fonctionnement de cette section. Quant à la section informatique, qui faisait recours à un établissement technique proche, elle s'est vue dotée de 8 ordinateurs, une machine photocopieuse et des imprimantes. Le représentant légal dit que tout cela a été fait pour répondre aux exigences de l'autorité ministérielle. Comme vous êtes témoin, nous sommes entrés de nous équiper pour avoir des équipements propres à l'école. Nous avons tout fait et nous espérons qu'il y aura des changements dans les jours à venir. Il demande au ministère d'effectuer une descente sur terrain afin de constater les travaux effectués. Pour nous qui avons des écoles qui ont été fermées, nous demandons que ceux qui sont chargés de cette question proviennent pour se rendre compte de l'état d'avancement. Au cas contraire, où iront les enfants? Même à l'école Ecotessa, les travaux de réhabilitation étaient en cours, mais nous n'avons pas eu les autorités de cette école pour qu'ils s'expriment sur l'équipement scolaire qu'ils détiennent. Charles Makoto, vous l'avez suivi dans nos reportages. Certaines écoles privées affichent un excellent taux de réussite, d'autres accusent de très faibles performances. Dans son analyse, Dr Kanabaze Pierre Claver, il est psychopédagogue, il trouve que l'une des raisons qui explique ce faible taux de réussite est que ces écoles inscrivent tous les élèves, peu importe leur niveau de performance. Il demande au ministère de l'Éducation, à travers l'inspection qui s'en charge, de veiller à la bonne marche de ces écoles privées. Suivez Dr Pierre Claver Canavaz. Ces écoles qui accusent de très faibles performances, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Mais principalement, cela revient en fait à la qualité des responsables et de ces établissements. Au moment de l'inscription des élèves, il y a des écoles qui organisent des tests d'entrée, d'autres qui accueillent les élèves, peu importe le niveau. Donc ces écoles mettent en avant le côté financier au lieu de privilégier le côté pédagogique. Un élève qui a eu de mauvais résultats à un établissement X est accueilli à bras ouverts dans un autre établissement. Ces écoles privées à faible performance utilisent souvent les enseignants à temps partiel. Or, quand nous regardons le mode d'évaluation, dans la plupart des cas, les enseignants de certaines écoles privées, du moins celles qui accusent de mauvaises performances aux évaluations externes, n'évaluent pas en fonction des objectifs de leçons dispensées, mais en fonction du niveau des élèves qu'ils ont à évaluer. Ce qui revient, dans toute analyse d'une école, la part du directeur est très importante. Il faut recruter des enseignants qualifiés et permanents, recruter les élèves capables de poursuivre les enseignements d'une classe donnée. La part du ministère n'est pas moindre parce qu'il y a une inspection des écoles privées qui doit veiller à la bonne marche de ces établissements via le service de l'inspection et ne pas hésiter de fermer les écoles qui ne répondent pas aux normes, mais aussi soutenir matériellement les écoles qui assurent un enseignement de qualité, car d'après tout, les écoles privées rendent un grand service à l'État. Docteur Pierre Claver Kanhawazé, il est psychopédagogue. L'école buissonnière, la corruption dans ses différentes formes dans les écoles privées, voilà quelques irrégularités relevées par la FENADEB. C'est la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Et ces irrégularités occasionnent un rendement médiocre dans les écoles privées. Pour maître Jacques Nshimirimana, il faudrait un suivi régulier du côté des élèves et même des professeurs. Au niveau de la FENADEB, nous avons déjà constaté certaines irrégularités qui sont propres aux écoles privées, et notamment des irrégularités liées au renvoi répétitif des enfants pour cause de non-paiement du Minerva, et une école qui se permet de renvoyer l'enfant donc à la maison et de lui demander de ne plus revenir à l'école avant qu'il ne soit pas en ordre avec le Minerva. Et une fois que l'enfant est renvoyé à la maison, il ne rentre pas à la maison. L'autre irrégularité que nous avons déjà constatée, c'est la corruption sexuelle qui met en cause des enfants. Donc, certains enfants qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir corrompre les professeurs, les maîtres, donc préfèrent passer par la sexualité. Depuis 2015, les chiffres des cas de grossesse non désirée en milieu scolaire ne cessent d'augmenter. Donc, ça, c'est une situation déplorable. C'est une situation. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle tombe enceinte malgré sa volonté? Donc nous voulons savoir tout ça, et cela finalement confirmera que la corruption sexuelle est une réalité, que ce soit dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, de donner de l'argent pour pouvoir gagner facilement des points. Donc les irrégularités sont vraiment nombreuses et la liste ne peut pas être exhaustive. Qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à toutes ces irrégularités? À notre avis, il doit y avoir un suivi régulier de toutes les écoles. Maître Jacques Nshimirimana, c'est le président de la fédération FENADEB. Isanganiro, la radio de l'avenir. La suite de cette édition spéciale sur l'éducation. L'Institut Saint-Quisite, un centre qui accueille les enfants vivant avec handicap physique, se prépare bien pour l'année scolaire qui s'annonce. Sœur Anne-Marie Mouchiranzigo, directrice de cet institut, dit que l'un des défis majeurs auxquels ce centre fait face, c'est l'insuffisance des moyens pour pouvoir se conformer à la nouvelle politique de l'école fondamentale. Elle indique qu'il compte sur le soutien des uns et des autres pour que l'Institut Saint-Quisite puisse se conformer aux autres écoles. Reportage Gertrude Mawenayo. L'Institut Saint-Quisite est un centre qui accueille les enfants vivant avec handicap physique et qui sont capables d'écrire, comme l'indique Sœur Anne-Marie Mouchiranzigo, directrice de son centre. L'Institut Saint-Quisite est un centre pour personnes handicapées physiques, c'est-à-dire le handicap moteur, un handicap qui touche plutôt la motricité. L'Institut Saint-Quisite accueille des enfants pour la scolarisation. Elle dit que pour le moment, les préparatifs pour l'année scolaire qui s'annonce vont bon trait, mais que l'un des défis majeurs auxquels fait face l'Institut Saint-Quizito est l'insuffisance de moyens pour se conformer à la nouvelle politique de l'école fondamentale. On a rencontré certainement des défis, notamment concernant la capacité de fonctionnement, les frais de fonctionnement, le matériel scolaire et le matériel utilisé pour l'internat. On a eu aussi des difficultés pour pouvoir faire un recyclage de nos enseignants pour que les connaissances soient mises à jour. Et nous pensons pouvoir surmonter ces défis parce qu'on va continuer à chercher des appuis ici et là pour que les enfants soient plus à l'aise pour le suivi des cours. C'est vrai que le programme de l'éducation au Burundi, maintenant on est dans le système de l'enseignement fondamental. Nous n'avons pas encore ce système. On est dans le système mais avec seulement 3 cycles. Donc il y a le 4e cycle qui n'a pas encore était augmenté. Une fois terminée la classe de 6e année à l'Institut Saint-Quizito, ces enfants sont envoyés continuer le 4e cycle de l'école fondamentale dans d'autres écoles à travers le programme d'éducation inclusive du ministère de l'Éducation, comme l'indique Sœur Anne-Marie Mouchilanzigo. Sur 240 enfants qui étaient inscrits au début de l'année scolaire 2017-2018, 232, dont 170 enfants vivant avec handicap physique, ont pu terminer l'année scolaire. Gertrude Mawinayo. Et certains parmi les enseignants redéployés en commune et province Rumongue disent travailler dans de mauvaises conditions et n'espèrent pas de bons rendements. Ils disent travailler affamés après de longs trajets effectués journalièrement. Pour eux, le ministère de tutelle devrait intervenir pour l'amélioration de leur situation. Notre correspondant Jean-Pierre Misago nous a fait un reportage personnalisé. Nous appelons Dayongeje, l'un de ses enseignants. Il travaille actuellement à près de 20 km de chez lui, après avoir été redéployé de l'école à environ 500 mètres de chez lui. Pour arriver à temps, sans aucun autre empêchement, comme la pluie, il dit se réveiller vers 5h du matin et part sans rien mettre sous la dent. Je me réveille vers 5h du matin pour que je puisse prendre le départ vers 5h30. Dans ces conditions, il est quasi impossible de mettre quelque chose sous la dent. Après tout ce trajet, Dayongeje dit qu'il doit tenir pendant près de 10 heures avant de rentrer et trouver de quoi manger. Selon cet enseignant, il s'agit des conditions de travail qui ne sont pas de nature à relever le rendement des apprenants, car favorisant plutôt le vieillissement précoce. Ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles, à tel point que je risque de vieillir avant l'autre. Il est en effet difficile de tenir près de 10 heures sans rien mettre sous la dent. Avec tout ce trajet journalier, le rendement ne peut pas être comparable à celui d'avant. Tout comme les autres enseignants qui vivent dans les mêmes conditions, le ministère de tutelle devrait plaider en leur faveur pour que leur souffrance soit allégée selon cet enseignant. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et l'association Wafashewige apprécie positivement le programme de redéploiement des enseignants qui a permis aux élèves d'avoir un accès équitable à l'enseignement. Jean Samandari, président de cette association, demande néanmoins aux responsables du ministère ayant l'éducation dans leurs attributions d'évaluer ce programme afin de trouver des solutions aux problèmes qui ont été relevés. Suivez Jean Samandari, président de l'association Wafashewige. Ça a été une bonne décision pour que tous les enfants puissent être enseignés de la même manière et nous prenons l'éducation pour tous, donc toutes les écoles, toutes les classes, qu'elles puissent avoir des enseignants. Donc ça a été une décision positive que nous avons apprécié, mais malheureusement, il y a eu des impacts négatifs. Je peux illustrer cela sur deux plans. D'abord, sur le plan des élèves qui ont un enseignant qui a été redéployé dans un coin très loin. Et il arrive à l'école et après 2 ou 3 heures de marche, il est fatigué et probablement il doit enseigner à partir de 8h, 8h30. Mais étant fatigué, vous comprendrez que ce qu'il va enseigner, c'est une éducation qui n'est pas bonne, puisqu'il est aussi frustré. En deuxième catégorie, des enseignants qui ont été séparés de leur famille. Ils ont été redéployés dans des endroits différents. Ces enfants restent seuls à la maison. Le père et la mère sont localisés dans d'autres localités. Vous comprendrez que l'éducation de ces enfants risque d'être une éducation ratée. Et ces deux enseignants, là où ils sont, ils ne sont pas aussi tranquilles, puisqu'ils ont laissé la famille elle seule. Pouvez-vous proposer des solutions? Ce que nous pouvons demander comme voie de solution, je pense que le ministère et l'éducation dans ses attributions doit faire une évaluation de cette décision, de cette mesure que nous avons appréciée au départ, voir les points positifs. Il y en a, puisque presque toutes les écoles ont eu des enseignants, mais aussi évaluer les points négatifs, puisqu'il y en a aussi, et en tenant compte des exemples que j'ai cités, et voir comment trouver des solutions, des bonnes réponses à ces points négatifs. Au début, dans certaines écoles, on construisait des homes pour les enseignants. Cela facilitait d'abord l'économie, puisque un enseignant qui a été redéployé dans un endroit où il n'habitait pas, il doit chercher une maison, et cette maison coûte énormément cher. Lorsqu'il y a des homes, peut-être que les homes sont moins chers. Deuxièmement, peut-être il fait de longues distances. Mais quand il y a, puisqu'il n'a pas trouvé une maison, il reste chez lui tout en parcourant 15 km, 20 km. Mais s'il y a un home tout près de l'école, il doit rester là-bas et il doit gagner aussi. Il gagne non seulement les frais de transport, mais aussi il gagne aussi le temps. Ce qui fait que la construction des homes au niveau des écoles peut aussi alléger la situation. Jean Samandari, c'est le président de l'association Bafashebige. Il était au micro de Pascal Nioyangonze. Et afin de tenter de répondre à toutes ces préoccupations, la rédaction de la radio Isanganiro a cherché le ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle, mais sans succès, malheureusement. Et en effet, la ministre Janvière Ndila Hisha nous a dit qu'elle est en congé et nous a demandé de nous adresser au porte-parole de ce ministère. De son côté, Juma Edouard a dit à la radio Isanganiro qu'il est en mission de travail dans la province de Gitega et qu'il faut attendre son retour. À la demande d'une interview sur téléphone, il nous a répondu qu'il lui fallait suffisamment de temps pour se préparer. La rédaction a en plus contacté le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation. Il nous a signifié qu'il était très occupé et de nous préciser que la personne la mieux indiquée reste le porte-parole du ministère. Et comme promis, en début de cette édition, la rédaction a également eu son mot à dire sur le système d'enseignement au Burundi. Et le commentaire de la rédaction est donc lu par Évariste Nzikobanyanga. Personne n'ignore que l'éducation est le socle du développement d'un pays, une fonction indispensable au progrès de tout pays. C'est un droit, mais surtout un devoir pour tous. Les décideurs d'aujourd'hui et ceux que nous appelons intellectuels ne sont pas nés tout faits. Ils sont passés par le banc de l'école et ont pu bénéficier des formations qui leur permettent de faire des choix pour les autres et aux frais du gouvernement. La création des écoles de référence, le suivi régulier pour avoir un enseignement de qualité, la gratuité scolaire vont dans le sens des réformes que le gouvernement a initiées dans ce sens. Néanmoins, des problèmes ne manquent pas. Malgré la gratuité de l'éducation au niveau fondamental, les parents ne cessent de se plaindre des contributions leur demandées pour payer les sentinelles, la construction de certaines infrastructures, l'achat du matériel scolaire et autres. Certains enseignants sont sollicités pour dispenser des cours pour lesquels ils n'ont pas de qualification. Ne parlons pas de bibliothèques ou des laboratoires quasi inexistants à certaines écoles. Dans des écoles à régime d'internat, la ration journalière par élève est insuffisante. Cela fait déjà des années qu'elle est de 800 francs, d'où les directeurs de ces écoles ont toujours des ennuis avec leurs fournisseurs. À cela s'ajoute l'état des lieux des dortoirs. Ces défis dans l'enseignement public n'épargnaient pas non plus les écoles privées. Ici, l'on constatera avec amertume que les élèves réussissent sur base de différentes formes de corruption que l'on ne peut pas nommer pour le respect que l'on vous doit. Là-bas, un directeur passe l'examen national à la place des éduqués. La liste de ces manquements n'est pas exhaustive. En tout état de cause, il faut que tous les partenaires éducatifs puissent travailler en synergie, car les futurs cadres du pays ne sont attendus que sur le banc de l'école et le gouvernement devrait allouer un budget conséquent à ce secteur de l'éducation, pépinière de tous les autres secteurs de la vie d'un pays. Comme le disait si bien l'historien Joseph Kizerbo, il faut éduquer ou périr. Laissez-moi ajouter, Évariste, à bon entendeur, salut. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Placide Niyongongere pour la réalisation de cette édition spéciale. Également merci à Audrine Ndaikeza pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.